33e leçon. Quelques questions. Que font les Parisiens quand ils veulent voyager rapidement? Pourquoi le métro est-il bon marché? Combien de billets y a-t-il dans un carnet? Réponse, phrase 10. Comment va-t-on de Vincennes au quartier latin? Quel est le nom de la station où on change de ligne? Au guichet. Un touriste demande un ticket. Un aller-retour pour le musée d'Orsay, s'il vous plaît. Mais monsieur, il n'y a pas de billet aller-retour. Et d'ailleurs, le ticket coûte toujours le même prix. Alors, prenez plutôt un carnet de 10 tickets. D'accord. Ça fait combien? Exercice. Que faites-vous le samedi? Je travaille. Ces billets coûtent très cher. Comment allez-vous de Paris à Lyon? En train? Téléphonez chez Jean et demandez Michel. Il vous attend. Combien de places y a-t-il dans votre voiture ?